Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Prions, Seigneur, notre Père. Bwana baba yetu. Nous te disons merci. Tunakupikia asante. Parce que nous n'avons pas de termes pour exprimer notre gratitude. Sababu atuna na misemo njo ya kushukuru. En voyant tes bienfaits et tes offres. Kona bizuri byako na bikubwa benye tufanshia. Ton amour est éternel à notre égard. Mapendo yako iko ya milele kwetu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tukuna kuomba mu jina la Yesu Kristo. Déverse en nous cet amour. Mwanga tena ndani yetu ile mapendo. Nous t'aimerons. Tutakupenda. Nous t'obéirons. Tutakuti. Nous accomplirons toute ta volonté en nous. Na tutatimiza mapenzi yako yote ndani yetu. Seigneur, merci pour l'œuvre du calvaire. Bwana asante juu ya kazi ya Calvario. Merci pour ce sang versé. Asante juu ya damu ulimwanga. Merci pour la souffrance que tu as acceptée à notre place. Asante juu ya mateso ulitika kwa fasi yetu. Nous voulons, Seigneur Jésus, tunapenda Bwana Yesu, que ce travail que tu as battu, I kazi ulitumika, porte de fruits en nous. Ipate kutosha matunda ndani yetu. Bénis chacun de nous. Ubariki la moja wetu. Bénis ta parole. Ubariki neno lako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Levons-nous pour l'étude de la parole. Tushimame njoo usome maneno. Ruth au chapitre 3. Luta sura ya 3. Ruth au chapitre 3. Luta sura ya 3. Verset 1. Mustari ya kwanza. Naomi, sa belle-mère lui dit. Naomi, mama yake muko akamwambia. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Biti wangu, nilipenda kukuhakikishia mapumziko yako. Afin que tu sois heureuse. Kusudi upate kuya mwanamke wa heri. Unaweza kuikala. Nous avons parlé hier de trois sabbats, trois repos. Jana tulisemezea yulu ya sabato tatu, mapumziko tatu. Le sabbat ou le repos de Dieu. Sabato wala mapumziko ya Mungu. Après toute la création. Kisha kuumba vitu vyote. Pendant six jours. Kadiri mashiku sita. Le septième jour, Dieu lui-même se reposa de ses œuvres. Na siku ya saba, Mungu yeye mwenyewe akapumzika kwa makazi yake yote. Le deuxième sabbat ou le deuxième repos, c'est pour Israël. Na sabato ya pili wala mapumziko ya pili ni ya Israeli. C'est Dieu qui lui avait ordonné. Ni Mungu ndio amurusu alimwamuru de travailler six jours. Batoto wa Israeli apate kutumika kadri mashiku sita. Et dans le septième jour, Israël devait se reposer. Na musiku ya saba, Israël alipasha kupumzika. Il ne devait pas faire un travail pour sa survie. Abakuwezi kutumika tena njoo abokuishi mumwili. Mais pendant le sabbat. Lakini mwile siku ya sabato. Si quelqu'un faisait son activité propre. Kama mtu anafanya kazi yake ya kipekee. Dieu avait dit de le lapider. Mungu alisemaka anafaa kumpika mawe. Là, il brisait les commandements de Dieu. Na pale alianza kuvunja amri ya Mungu. Il méprisait le repos que Dieu leur avait accordé. Na kubeula ile yenye mapumziko Mungu alipatia. Mais dans le sabbat, si on faisait l'œuvre de Dieu, lakini mushiko ya sabato kama unafanya kazi ya Mungu, il n'y avait pas de transgression de la loi de Dieu. Akwe kuvunja kwa sheria ya Mungu pale. Et il n'y avait aucune loi qui l'interdisait. Na akukua ta sheria moya ilianza katala kumtumikia Mungu siku ya sabato. Dans le sabbat d'Israël, mule siku sabato ya Israeli, Dieu leur avait donné le repos pour le travaux qu'ils faisaient de chaque jour. Mungu alipatia pumziko juu ya makazi wanaanza kufanya kila siku. Mais ils pouvaient travailler pour le Seigneur. Lakini baliwezi kumtumikia Bwana siku ya sabato. Le troisième sabbat, c'est pour nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Na sabato ya tatu ni yetu shiba Kristo ba mwagano jipya. Le sabbat qui concerne le repos pour nos œuvres de la chair. Na sabato kunangaria mapumziko juu ya matendo yetu ya mwili. Toutes les œuvres du péché. Matendo yote ya zambi. Quand quelqu'un est en Christ. Mwakati mutu yuko ndani ya Kristo. Baptisé du Saint-Esprit, mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, il entre dans un repos éternel, anaingia mapumziko ya milele, il n'est plus esclave du péché, ana tena mtumwa wa dhambi, et il n'est plus esclave du diable, na ana tena mtumwa wa shetani, il ne peut plus travailler pour Satan, hawezi tena kutumikia shetani, et il ne peut plus accomplir ses désirs, na hawezi tena kutimiza mania ya shetani. Mais étant né de nouveau, lakini mwenye kuzaliwa mara ya pili, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit, mwenye kutakasa na mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu, nous avons un devoir sacré, tunakuya na mapasho takatifu, d'accomplir la volonté de Dieu, ni ya kutimiza tu mapenzi ya Mungu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, mwakati tunatimiza mapenzi ya Mungu, nous ne brisons aucune loi de notre Seigneur. Hakuna sheria tamu yetu unavunja ya Bwana wetu. Mais il nous est refusé. Lakini inetukatazwa. De vivre notre propre vie. Kuishi maisha yetu shibenyewe. Qui est la vie du péché. Yenye kwa maisha ya zambi. La vie qui nous conduira certainement à l'enfer si nous nous y tenons. Maisha ile tetongoza akika mgeena kama tunabakiria amo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous vous avons dit aussi que la chose qui conduit à un repos sur cette terre, na tumeambia tena kitu kile kinapeleka kwa mapumziko ya hapa dunia ni ndoa. Lorsque un homme, mwakati le mwanaume, ou une femme trouve un véritable conjoint, wala mwanaume mwanamke anapata bwana wala bibi wa mzuri, pour avoir la paix dans le mariage, juu ya kuwa na salama mundoa, l'harmonie dans le mariage, mapatano mundoa, pour avoir une communion profonde entre conjoints, juu ya kuya na ushiriki ya upana kati ya wale watu wawili wanaungana, chaque homme ou chaque femme, kila mwanaume wala kila mwanamke, doit trouver un conjoint que Dieu l'avait prédestiné. Anapasha kupata bwana wala bibi ule Mungu alitangulia kumtayarishia. Et quand un couple est formé de cette manière, na mwakati ile ndoa inaungana mwile namna, les deux conjoints seront heureux, bale batu bawili batakuwa baheri, la paix sera dans leur cœur, na salama itakuwa ndani ya mioyo yabo, et la bénédiction sera sur eux, na baraka ya Mungu itakuwa juu yabo. Un foyer dans lequel, jama mule, le mari aime sincèrement et véritablement sa femme de tout son cœur, bwana anapenda na roho yote katika ukweli bibi yake, il aime sa femme comme son propre corps, anapenda bibi yake sa mwili yake, et il prend soin de lui, d'elle. Na eko nangaikia bibi yake. Quand un homme trouve une véritable conjointe, mwakati le bwana anapata bibi wa mzuri, cette femme qui lui a été prédestinée par le Seigneur, ule mwanamke Mungu alitangulia kumtayarishia, il aimera sincèrement et véritablement de tout son cœur. Ata mupendo na mamuki na moyote katika ukweli na royote. Et il prendra soin d'elle. Na atangaikia ule mwanamke. Et la femme aussi. Vile vile mwanamke na yeye. Sera une véritable femme soumise. Atakuwa hakika mwanamke mzuri wa kujitiisha. En toutes choses à son mari. Mukitu kyote kwa bwana yake. Ne lui faisant que du bien. Na hatanza kufanya pa bitu vizuri. Lui donnant la joie tous les jours. Kumpatia furaha kila siku. Aussi longtemps qu'ils vivront ensemble. Mwakati yote batakuwa pamoja. Une bonne femme. Mwanamke mzuri. Fait la joie de son mari pendant tous les jours de leur vie. Anekalaka unafurahisha bwana yake mashiku yabo yote. C'est une femme qui véritablement est soumise à son mari. Ni bibi ule akika eko najitisha kwa bwana yake. Dans Proverbes au chapitre 31, Mizali makumi tatu na moja, nous avons toujours lu cette écriture. Tunasomea kila mara ya andiko. Dans son verset 12, l'écriture dit, mustari yake ya 12 andiko kuna sema, nous pouvons même trouver, nous commençons verset 10. Tunaweza kuanzia hata mustari yake ya 10 na 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Nani anaweza kupata kwa mwanamke mwema? Elle a bien plus de valeur que les perles. Eko na bei kabisa kushindia hata malulu. On ne peut pas comparer une véritable femme avec l'argent ou les richesses. Mwanamke mwema abezi kumulinganisha na utajiri wala fedha. Une femme vertueuse. Mwanamke wa utawa. A plus de valeur que toute la richesse du monde. Anashindia hata matajiri yote hapa dunia. Le cœur de son mari a confiance en elle. Moyo ya bwana yake kuna mtumainia. Et les produits ne lui feront pas défaut. Na hata les produits. Hata c'est-à-dire les choses qu'elle doit avoir pour entretenir son foyer. Ok? Dieu. Et les produits ne lui feront pas défaut. Na atabitu abitamkosea. Elle lui fait du bien et non du mal. Eko nafasha bizuri apana bibaya. Tous les jours de sa vie. Siku yote ya maisha yake. Une femme vertueuse a plus de valeur. Mwema una bei kabisa. Que tout l'or du monde. Kushindia atazabu yote ya ulimwengu. Sa qualité amène son mari à lui faire confiance. Ali yake ya kuishi inamsukuma bwana yake pa kumtumainia. Sa valeur, bei yake. Sa qualité, ali yake. Amène l'homme à lui faire confiance. Inampeleka bwana yake paka kumtumainia. Elle fait tout ce qui a son pouvoir. Eko nafanya yote iwezekanayo. Pour trouver des choses pour faire du bien à son mari. Jua kupata bitu vile vitafurahisha bwana yake na hata jamaa yake. Elle ne fait jamais du mal à son mari. Amukose yake kama bwana yake. Mais tous les jours de sa vie. Lakini siku yote ya maisha yake. Elle rend heureux son chéri. Eko nafanya bwana yake anakuwa waheri mpendwa wake. Et pour être une telle femme, na juu ya kuya mwanamke wa ile ali, il faut avoir la crainte de Dieu dans votre cœur. Inafadhali upate kuya na boka ya Mungu ndani ya moyo wako. Il faut avoir Dieu dans votre cœur. Inafadhali kuya na Mungu ndani ya moyo. Si une femme n'a pas Dieu, kama mwanamke wala bibi ana na Mungu ndani yake, elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, ashongozwe na Roho Mtakatifu, elle n'est pas régénérée, ashia zalikuwa upya, elle ne peut jamais faire du jeu, elle ne peut jamais donner la paix à son mari. Kamwe hawezi kupatia salama bwana yake. Dans Proverbe 19, Mizali 19, dans son verset 14, l'Écriture dit, Musali yake 14 andiko kunasema, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Unaezi kuriti kwa baba yako utajiri wala nyumba. Mais la femme intelligente, lakini mwanamke wa akili, est un don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Une femme qui fuit le péché, mwanamke ule nakimbia zambi, et qui respecte chaque parole de Dieu dans sa vie, na eko naheshimia kila neno la Mungu maisha yake, qui craint Dieu dans sa vie, mwenye kuogopa Mungu maisha yake, voilà un don de l'Éternel. Njo zawadi ya milele. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bya kweli dada yangu. Un couple formé. Jamaa ile natungwa. Un foyer formé par un couple. Jamaa ile natunga kupitia bibi na bwana. Dans lequel chacun se réjouit. Mule kila mmoja e unafurahi. Chacun est en paix. Kila mtu msalama. Et chacun occupe sa place qui lui a été assignée par Dieu. Na kila mtu yuko kwa fasi yake ile Mungu alimpatia. Pour que la paix vienne dans un couple, dans un foyer, ju salama ipate kuya mundoa wala mujama, il faut que chaque conjoint ou chaque conjointe, inafadhali kila mwanaume wala kila mwanaume, apprenne à occuper la place que Dieu lui a assignée. Apate kujua kujueka pafashi ile Mungu alimpatia. Et occupant la place que Dieu lui a assignée, na kujueka pafazi ile Mungu alikupatia, il se force ou elle se force, mwanaume kone jikaza na mwanamke naye jikaza, a amener la paix dans le couple, dans le foyer, juu ya kuleta salama mundoa wala mjamaa. Et dans un tel couple, na mundoa vile, l'homme est un véritable chef, pas un dictateur. Bwana anakuya ni il est chef wa bya kweli, hapana wa kukazisha bitu. L'homme est un chef, il n'est pas un méchant. Anakuwa ni chefu, lakini haina mtu wa roho mbaya. Parce que les tyrans ou les dictateurs sont des méchants. Sababu bakukaisa bitu banekala ni baro mbaya. L'homme doit occuper la place que Dieu lui a assignée. Bwana anapashika hapo fashi le Mungu alimpatia. Il est un chef, ni chefu, ni mkubwa wa jamaa. Plein d'affection pour son petit royaume. Anaja na mapendo njoo akafufalme kake kaloko. Et son amour le pousse à s'occuper de ces sujets. Na mapendo yake iko na msukumo angaikie ile watu wako chini ya uongozi yake. Et dans ce foyer, na mwile jamaa, la femme est une véritable aide. Na mwanamke ni msaada ya bia kweli. Saididi. La femme est une véritable aide. Mwanamke anakuwa msaidizi wa bia kweli. Et une véritable colombe. Na anakuya njiwa eba kweri. Une femme caractérisée par une douceur. Mwanamuke ekonikaisha na upole. Autour de chaque véritable femme. Kando kando ya kila mwanamuke eba kweri. Il y a de la douceur. Kunekalaka ni upole. Et la douceur attire l'homme vers elle. Na ile upole njone karaka na vuta mwanaume kwake. Et attire ses enfants autour d'elle. Na ne karaka na vuta hata watoto yake kando kando yake. Elle-même aime beaucoup rester à la maison. Na ye mwenyewe mwanamke anapenda kubakia kunyumba. Pour s'occuper de son chéri et de ses enfants. Juu ya kuangaikia mpendo wake na watoto yake. Elle n'est pas errante. Ana wakuwayawaya mwanamke. Elle n'est pas causeuse. Ana wakusumburia sumburia kila mara. Elle n'est pas fainéante. Ana washipo kufanya kitu. Elle doit s'occuper de sa maison. Anapasha kuangaikia nyumba yake. Elle doit s'occuper de son mari. Anapasha kuangaikia bwana yake. Elle doit s'occuper de ses enfants. Na anapasha kuangaikia batoto yake. Si l'homme est un véritable chef plein d'amour. Kama hakika bwana ni chef wa kweli na mwenye kujaa na mapendo. Envers sa colombe. Kwa njiwa yake. Et que sa femme est une véritable colombe. Na mwanamke hakika ni njiwa. Une véritable aide soumise. Msaada ya kweli ya kujitiisha. La paix sera rassurée à ce couple. Salama itakikishiwa mwile ndoa. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Je commande à moi Corinto wa kwanza sura ya 7. Dans son verset 15. Musarakie ya 15. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wake ya 15. Je lis seulement dans la dernière phrase. Nunasoma tu ile mstari wake ya mwisho. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mungu alituita tupate kuishi msalama. Dieu a appelé l'homme et sa femme à vivre en paix. Mungu arita bibi na bwana juu wapate kuishi msalama. L'homme doit procurer la paix à sa femme. Bwana anapasha kuonekanisha salama kwa bibi yake. Anapasha kumuletea. Et la femme doit procurer la paix à son mari. Na bibi naye anapasha kuletea bwana yake salama. Avec un tel souci dans les conjoints, dans les deux conjoints, na ile angaiko ya hivi katikati ya wale bawili, alors s'accomplit cette écriture de Matthieu chapitre 5. Yandiko wa Mathayo 5 iko natimilika. Dans son verset 9. Mstari wa 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Baheri bale kuna leta salama. Car ils seront appelés fils de Dieu. Kwani bate baita batoto ya Mungu. Les fils de Dieu batoto ya Mungu sont les agents porteurs de la paix. Ni batu bale kwa leta salama. Les fils de Dieu batoto babiti ya Mungu sont les agents qui procurent la paix. Ni batu wale maaleta salama. Et les enfants de Dieu na batoto ya Mungu sont toujours pacifiques. Bo banekalaka paka basalama. Parce qu'ils sont habités sababu baraka ndani yabo par l'esprit du prince de la paix na roho ya mfalme wa salama. Un homme qui n'aime pas la paix mutu la penda ki salama. Une femme qui n'est pas qui n'aime pas la paix mwanamke ula spenda ki salama. Ces gens sont habités par les mauvais esprits. Abatu banekalaka na roho mchafu. Ils sont habités par l'esprit de Lucifer. Beko benyekuya na ro ya Lucifer. C'est vrai mon frère, c'est vrai ma sœur. Bia kweri nduku na dada. Quand on s'aime, mwakatire munapendana. On se comprend mutuellement. Tukunelewana moya na mwingine. On se supporte mutuellement. Tukuna vumiliana mumoya na mwingine. On se pardonne mutuellement. Tukuna sameana mumoya na mwingine. Il n'y a rien de grave au milieu de nous, entre nous. Na akuta kuyaka kitu kya nguvu kabisa katikati yetu. Il n'y a pas de faute grave. Akuta kuyaka makosa ya nguvu kabisa. Il n'y a pas de faute impardonnable. Hakuna kosa ila iwezi kulumiwa. Nous tous nous sommes habités par l'esprit de grâce. Shebote ndani yetu mukuro ya neema. L'esprit de Dieu domine notre foyer. Roho ya Mungu natawala mumaisha yetu mjamaa yetu. Et chacun sera en paix et en repos. Na kila moja wetu toka msalama na mapumziko. C'est alors que le mariage aura un sens. Njo pale ndoa itakuwa na maana yayo. C'est ainsi que le mariage sera bénéfique à tous. Njo hivi ndoa kila moja wetu atafaidiwa nayo. Le mariage n'a pas de sens. Ndoa haina na maana. Si les deux conjoints vivent dans les difficultés continuelles. Kama babibi na bwana beko naishi magumu ya kuendelea. Ce couple ne sera jamais béni. Ile ndoa haitabarikiwa kamwe. Ce foyer ne sera pas prospéré. Ijama haiwezi kuendelea. Parce que aucun pays en trouble ne peut se construire. Sababu akuyakuyaka inchi ile iko mfujo ile banaweza kuyenga mzuri. Aucun pays en guerre. Hakuna inchi hata moja ile ya vita ne peut se construire. Ile banaweza kujenga. Il faut la paix. Inafadhali salama ikuye. C'est pourquoi la paix est fondamentale dans nos foyers. Juko mana salama ni ya msingi kabisa ndani ya ndoa yetu. Notez cela très bien dans vos cœurs. Muyandike mzuri wa moyo wenu. Il est très important. Iko ya mafa kabisa. Il est très important. Iku, très important. Iko ya mafa kabisa. Défendez un très bon foyer. Ya kuya na jamaa mzuri. Où règne la paix et l'amour. Mune salama na mapendo kutawala. Il est très important. Ni ya mafa kabisa. Il est indispensable. Ni ya muhimu. D'avoir un très bon foyer. Kuya na jamaa ya mzuri. Dans lequel règne la paix et l'amour. Mule mapendo na salama iko na tawala. Un foyer qui fut fondé. Jama ile iresha kujengwa. Sur base de la révélation divine. Ah, yule ya ufunuo ya Mungu. Un foyer fondé. Jama yenye kutungwa. Dans une révélation divine, mufunuo ya kimungu. Pas un foyer fondé par la convoitise. Apana jama ile natungwa kutamatu. Un foyer qui fut fondé par les intérêts au moyen des intérêts matériels ou charnels. Jama ile natungwa tu juu ya mafaida ya bitu ya kimwili. De tels foyers ne sont pas stables. Il est ma jama à ville à ikalaki na mushimamo. Un chrétien, mon Christ, une chrétienne, mon Christ ou malamuke, se force à être en paix dans son foyer. Et qu'on est jikasa, je vois pas comme salama, mon jama yaaki. C'est vrai, frère et sœur. Bien kweri, nduku na dada. Mais il y a une chose que je voudrais dire ici. Lakini kuki kitu kimoja nipenda kusema hapa. Il peut nous aider. Kinaweza kutusaidia. Frère et sœur, nduku na dada. Si tous les frères et les sœurs qui sont mariés. Zaidi zaidi banduku na badada benye kuwa mundoa. Il y a une très grande différence. Peko achanisho mkubwa kabisa. Entre le travail. Katikati ya kazi. Et la soumission. Na utifu. Il y a une très grande différence, mes bien-aimés sœurs. Bapendo abadada, peko achanisho munene kabisa. Entre une femme travailleuse. Katikati ya mwanamke bibule na tumika. Et une femme soumise. Na bibi mutifu. Parfois nos sœurs confondent les deux choses. Mara mingi badada yetu banekaka na mvuruku pa vile bitu biwili. Et quand la confusion est là, na mwakati mvuruku iko pale, cela amène deux fois de troubles. Ile na letaka mvuruku mzozo. Quand il y a de l'incompréhension entre les conjoints, wakati katikati ya benyikuwa mundo wa bawili abaelewani, cela peut aboutir à des troubles. Ile inaishiaka mvuruko mnyumba makukutano. Je voudrais que les sœurs suivent ceci. Nilipenda badada mufate mzuri. Travailler dans le couple, kutumika mundoa, ce n'est pas seulement ce que Dieu vous exige. Aina njo paka ile tu Mungu anemilomba. Ce n'est pas cela qui attire l'homme vers vous. Aina njo ile itanza kuvuta bwana kwako. Dans Proverbe au chapitre 19. Mezali kumi na tisa. Dans son verset 22. Mustari yake ya makumi mbili na mbili. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ile nafanyaka buzuri wanaume ni wema wake. Ce qui attire. Ile ne karaka na vuta. Ce qui plaît. Ile na furaishaka. Ce qui séduit. Ile dans la, un homme. Ina tongozaka. Mwa ndani ya mwanaume. C'est sa bonté. Ni wema wake. Roho yake mzuri. Sa bonté. Non, sa bonté. Sa bonté. Roho yake mzuri. Sœur, dad, la Bible dit, Biblia asema, ce qui attire les charmes, c'est attirer. Il est na vutaka. Ce qui fait séduire l'homme, il est le karaka na tongoza mwanaume. Et ce qui plaît, na ile inafurahishaka, dans un homme, ndani ya mwanaume, c'est sa bonté, ni wema wake. Une femme peut être une très bonne travailleuse. Mwanamke anaweza kuwa anatumika mzuri. Elle s'occupe de tous les soins domestiques. Makazi yote ya munyumba iko naifanya mzuri mzuri. Elle s'est bien préparée. Anaya kuipika mzuri. Elle s'est bien nettoyée les habits de son mari. Anaya mzuri kufula mavazi ya bwana yake. Et même le repassé. Ata kuikoma. Elle sait arranger son lit correctement. Anaya kutandika kitanda mzuri. Elle sait bien arranger son salon. Anaya kutengeneza nyumba yake. Sa cuisine est toujours propre. Pishi yake kupaka safi. Sa parcelle est toujours propre. Lupango lwake lukupaka safi. Mais si elle n'a pas un esprit doux, lakini kama ana na roho ya upole, si elle n'a pas un esprit doux, kama ana na roho ya upole, si elle n'est pas pacifique, kama ana wa salama, elle n'est pas réconciliante. Ana wakuleta mapatano. Elle est querelleuse. Eko paka wa makokotano. Elle est contradisante. Anekaraka paka wa mabubishi. Le foyer ne peut être en paix. Ile ndoa haiwezi kuwa msalama. Cette maison ne sera jamais au repos. Ile nyumba hakutakuyaka fasi ya kupumzikia. Ce ne sont même pas les relations intimes de tous les jours. Aina ta mapatano mwili ya kila siku. Qui attire l'homme vers sa femme. Dieu ne karaka na vuta mwanaume kwa bibi yake. Si une femme manque un esprit doux, kama mwanamke anakosea tu roho ya upole. Elle est brutale, querelleuse. Nguvu wa makokotano. Contradisante. Eko paka na bishana. Même les relations intimes. Ata mapatano ya mwili. Ne peuvent amener la paix dans le foyer. Haiwezi kuleta salama mundoa. Même la beauté de la femme ata burembo bwaki ne peut jamais amener la paix dans le foyer. Abwezi kuleta salama mwile ndoa. C'est vrai, frère. Ndia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ndia kweli dada yangu. Une femme peut être une très bonne travailleuse dans le couple. Mwanamke bibi anaweza kuwa anatumika mzuri sana mjama. Mais loin d'être une véritable femme soumise. Lakini eko mbari na kuwa mwanamke mtiifu. Une femme insoumise. Mwanamke washipo butiifu mkila kitu. Même lorsqu'elle veut servir son mari. Ata mwakata afia kokea bwanake chakula. Elle sert à volonté. Eko neifanya tu. Paka napenda. Elle sert son mari. Eko na wekea bwanake chakula. Non. Elle sert. Eko na mtumiki. Ena tumikia bwana. À volonté. Paka pala tapenda. Selon son programme. Kufatana na vile ashakuweka mapu yake. Ce sont des choses qui engendrent beaucoup de troubles dans le couple. Jobitu binaletaka mzozo majamaa mingi. Une femme mwanamke qui ne sert son mari qu'à volonté. Ule anekala tumikia bwanae ki pala na penda. Selon son programme, selon son désir. Kufatana kutaka kwake na mapu yake. Ne peut ramener la paix dans son foyer. Awezi kuleta salama mjamaa yake. Bien-aimé frère et sœur. Pendwa ndugu na dada. Si tu vous mes sœurs mariées. Zaidi zaidi mweba dada yangu benye kwa mundoa. Travailler dans un couple. Kutumika mundoa wala mjama. N'est pas une chose très importante. Aina kitu kia mafa kabisa. Parce que même un domestique. Sabu ata muntu wa kazi. Ou un serviteur. Wala mutumishi. Peut mieux le faire que toi-même. Anezi kutumika mnyumba mzuri sana kushindia hata wewe mwenyewe. Mais un serviteur ou une servante. Lakini kijakazi wala mtumishi. Ne peut jamais satisfaire un homme. Awezi kufurahisha mwanaume. Bwana. Ne peut jamais satisfaire un homme. Awezi kufurahisha bwana. Et amener la paix dans son âme. Na kuleta salama mnafsi yake. Comme sa propre femme. Sawa bibi yake wa ndoa. Non frère. Apana nduku. Non ma sœur. Bana dada yangu. Souvent c'est ça qui cause le trouble dans beaucoup de couples. Mara mingi jo naletaka fujo mu majamaa mingi. Même quand on juge les conjoints quand ils sont en difficulté. Ata mwakati tunasambisha bale watu magumu. Beaucoup de sœurs agissent comme des insensés. Badada mingi wanakaraba matenda sawa pumbafu. Des fois quand l'homme dit mon épouse et bonne épouse, ma femme est insoumise. Mwakati bwana anasema bibi yangu ashiniti. Les insensés s'emportent. Bapumbafu wanakaramu kushirika banamuke. Et disent. Nananza kusema. Non pasteur. Pasteur apana. Mon mari est méchant. Bwana yangu ni rumu baya tu. Je me réveille à 4h30. Mina lamkaka 4h30. Pour s'occuper de lui. Juu ya kumwangaikia. Je me réveille très tôt. Mina lamkaka busu bui sana. Pour ranger ses vêtements. Juu ya kutayarisha mavazi yake. Lui préparer de l'eau. Juu ya kumwekea mai. Lui préparer da manger. Juu ya kutayarisha chakula. Pour qu'il n'aille pas affamé Asiende mukaji na njala. Je lui dépasse les habits. Mangua mina mukomeaka. Je lui refuse jamais au lit. Kukitanda shimukatari yake. Me traiter de cette manière. Mais lakini kusema mwinamu. Ni roho mbaya tuko nayo. Ni kukosa ufunuo. C'est par manque. Kujibu kwa ile namu. Au misemeo ya ile namu. C'est par manque de révélation. Misemeo ya ile namu. De tel langage de la part des femmes. C'est par manque de la révélation seulement. Yashiri yandoa. Du secret du mariage. Ya kile amba kina pasha kuleta salama. De ce qui doit amener la paix. Kina pasha kuleta mapumziko. Ce qui doit amener le repos. Na kuleta furaha mnyumba. Et ce qui va amener la joie dans votre maison. Un homme est un chef. Mwanaume ni chefu. Un chef est celui qui donne des ordres. Na chefu ni ule analetaka maagizo. Et quand un chef donne un ordre, na wakati ile chef analeta agizo, il n'a pas besoin ashilombe d'être contredit. Banze kumwambia kinyume aile alisema. C'est ce qui énerve les hommes. Na njo ile nekaraka unashirikisha wanaume. Ce n'est pas la bonne sauce. Aina tu kuipika mzuri. Qui a-t-il le mari vers toi? Je ne kalaka na vuta bwana kwako. Ce n'est pas ta toilette. Aina kunawa kwako. Qui amène ton mari vers toi? Jo itanza kuvuta bwana kwako. Ce n'est pas seulement les soins domestiques. Aina tu makazi ya munyumba. Bien que ça fait partie. À ta ville, il n'y a qu'une angéza couille. D'un foyer harmonieux. Iku na mujama ya salama. Mais qui attire ton mari vers toi? Mais la kini iku na vuta bwana kwako. Non bien aimé frère. Apana nduku. Non bien aimé sœur. Apana dada. Les chefs. Chefu. Aiment être obéis. Anapendaka bamuti. Les chefs n'aiment jamais être contredits. Chefu ashpendake bageuze bila arisema. Aba komanisha ke mitindo ya chef. Quand un chef dit, mwakati le chef anasema, même s'il n'a pas raison, atakama ana na sheria mbili kunasema, il aime d'abord que ce sujet, lakini atapenda basu yake, l'écoute, bamushikie. Même si ils ont à répliquer, ataka mabeko na kujibu, pas au moment où ils donnent l'ordre. Apana mwile wakati yeko na sema yako na leta agizo. Mais beaucoup de nos sœurs, mais ba mingi katikati ya badada yetu, ne tire pas attention à cela. Abekalake na kiba angi pa yule ya ile. Une femme sage, mwanamuke wa hekima, une femme intelligente, mwanamuke wa akiri, s'efforce à ne pas achoper son mari. Anekalaka na jikaza juu ashikwarishe bwana yake. Et elle s'efforce pour ne pas achoper son mari. Eko na jikaza juu ashikwarishe bwana yake. Elle s'efforce pour ne pas faire pécher son mari. Eko na jikaza juu asimutendeshe bwana yake zambi. Elle s'efforce. Eko na jikaza pour ne pas irriter son mari. Juu ashitirikishe bwana yake. Et c'est la soumission, nani utifu, et l'esprit de douceur, naro ya upole, qui amènera une véritable femme, joita sukuma mwanamke wa byakweli, à se conduire de cette manière. Anze kujongoza mwile namna. C'est vrai frère. Byakweli nduku. C'est vrai ma soeur. Byakweli dada yangu. L'homme comme chef. Bwana sawa chefu. Il veut être obéi. Eko na penda ba muti. Être servi. Na ba mtumikie. Selon sa volonté. Kufuatana na vile anataka mapenzi yake. Quand il désire. Mwile wakati anapenda. Si nous comprenons cette relation dans la chair. Na kama tunaelewa hii mapatano mumwili. Et que nous avons ce comportement dans la chair. Na hii mifano tunakuwa nayo mumwili. Nous comprendrons nos relations que notre relation avec Christ. Nanjopa tutaelewa sasa mapatano yetu na Kristo. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Une bonne et loyale épouse. Mwanamke wa mzuri. Est celle qui sert son mari. Ni ule eko na tumikia bwana yake. Selon son désir. Kufuatana na kutaka kwa bwana. Selon sa volonté. Kufuatana na mapenzi ya bwana yake. Au temps de son chef. Mwakati ile chefu yake analomba. C'est vrai. Bia kweli. C'est-à-dire. Ni kusema. Elle doit être entièrement. Anapata kuya kabisa kabisa. Au service de son mari. Kukazi ya bwana yake. En toute chose. Mubitu biote. Et tout le temps. L'église est avec moi. Kila wakati. Kanisa tupa mwe. Une femme. Mwanamuki. Correct. Wa kunyoloka wa usawa. Vertueuse. Wa utawa. Loyal. Cette femme-là. Ule mwanamuke. Elle est entièrement. Eko kabisa kabisa ye oti. À la disposition de son mari. Mukazi ya bwana yake. Elle est au service de son mari. Tout le temps. Eko tayari kumtumikia bwana yake kila wakati. Même si son mari est absent de la maison. Hata mule wakati bwana ana munyumba. Dans sa pensée. Mawazo yake. Elle est préoccupée. Eko nangaika. À chercher les voies et les moyens. Juu ya kutafuta manjia na manamu na. Pour donner la joie. Ya kufurahisha. Pour donner la paix. Ya kupatia salama. Être en harmonie. Na kuya mumasalama. Avec son mari. Mapatano na bwana yake. Lorsqu'il sera de retour wakati atarudia dans le foyer unyumba. Tout le temps. Kila wakati. Elle se force à chercher. Eko nejikaza kutafutisha. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ni nini ili anawezi kufanya? Pour que son foyer soit en paix. Du jamaa yake ipate kuwa msalama. Pour que son mari soit heureux. Du bwana yake akuwe waheri. Pour que son mari soit attiré vers elle. Du bwana yake anze kuvutwa kwake. Que dois-je faire? Anapaswa kufanya nini? C'est pourquoi Frère Branham dit. Du commandant Ndugu Branham anasema. Un chrétien est créateur d'une bonne atmosphère. Mukristo anekarake kuna umba dalili mzuri kando kando yake. Onesha kujua sema hivi mtu. Toi tu sais bien que bwananga shipendaki. Ces choses ici mon mari n'aime pas. Ça ça ne plaît pas à mon mari. Toi, tu peux prendre les conseils de ton ami et tu veux l'appliquer dans ta maison. Vous aurez certainement des difficultés. Akika ou tapata magumu. Mitafanya nini? Que je peux faire? Ju bwana yangu anipende. Pour que je sois aimé par mon mari. Mitafanya nini? Qu'est-ce que je peux faire? Ju nikuye paka musalama na bwana yangu. Afin d'être toujours en paix avec mon mari. Mitafanya nini? Que dois-je faire? Ju nione bwana yangu kila wakati mufuraha. Pour voir mon mari dans la joie à tout moment. Frère. Duku. Ma soeur. Dada yangu. C'est un grand travail. Ni kazi mkubwa. Être marié. Kuya, est ndoa, une grande responsabilité. Ni madaraka mkubwa kabisa. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Wakorinto wa kwanza, chapitre 11. 11. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Premier Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Chapitre 11. Suraki ya 11. Verset 9. Mustari yake ya 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Na mwanaume ashikumbiwe juu ya mwanamke. Mais lakini la femme mwanamke a été créé ariumbiwa à cause de l'homme juu ya mwanaume. Si la femme existe, kama mwanamke kwako, Dieu l'a créé, Mungu arimuumba, c'est pour le bonheur de l'homme. Ninju yara ya mwanaume. L'homme pouvait rester seul. Mwanaume apashi baki hata yeye mwenyewe. Et quand il fut créé, na mwakati arimuumba, il était seul, cela ne le dérangeait pas. Alikuwa yeye mwenyewe na kwanza takumuji. C'est un mensonge quand les gens disent. Ni bongo wakati watu wanasema. Quand Adam passait visiter le jardin. Wakati Adam aranza kutembea msha mbustani. Il voyait chaque animal. Arianza kuona kila nyama. Arianza kuona kila nyama. Na mwanamke wa kike wake. Il tournait le regard. Wakati aliangalia kupembeni yake. Il tournait le regard. Aranza kuangalia kando kando yake. Il n'avait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Ashukue na mtu wa kumfanana. Et il était triste. Nari kuzini kaka. Ce sont des pensées charnelles. Ni mawazo tu ya kimwili. Adam était créé dans la perfection. Adam barimumbaka mukamilifu. Sa femme était en lui-même. Na bibi yake alikuwa ndani yake. Ce n'est pas lui qui a cherché la femme. Aina yeye alitafuta mwanamke hapana. Il était satisfait de ce qu'il était. Arianza kutosheka na kila alikuwa ya. Mais c'est Dieu. Na ni Mungu. Qui voulait seulement se séparer. Alipenda kubachanisha. La partie douce. Temu ile ya upole qui se trouvait en Adam ile kwa napatikana ndani ya Adam pour Adam juu ya Adam La femme a été créée pour l'homme. Mwanamke aliumbiwa juu ya mwanaume. Elle doit être entièrement au service de l'homme. Na anapaswa yeyote mkazi ya mwanaume. Tout le temps, elle doit être au service de l'homme. Kila wakati apaswa kumtumikia mwanaume. Tout le temps, kila wakati, elle doit chercher les moyens pour satisfaire son mari. Anapaswa kutafuta manamna ile ya kumpendeza bwana yake. C'est vrai, frère. Bya kweli ndugu. C'est vrai, ma sœur. Bya kweli dada yangu. Elle doit avoir les soucis permanents. Angaiko yake kila wakati. Pour que son mari soit en paix et dans la joie. Bwana yake apate kwa msalama na mfuraha. Oui, bien-aimé frère et sœur. Ndio ndugu na dada mpendwa. Pas une femme. Apana mwanamke. Qui ne s'occupe pas de son mari. Ula shangaike bwana yake. Qui ne se soucie pas du bien-être de son mari. Ashangaikie bizuri ya bwana yake. Pendant que cette femme du proverbe 31. Mwakati ule mwanamke wa mezali makumi tatu na moja. La Bible affirme. Biblia inahakikisha kwamba. Elle lui fait du bien. Et non du mal tous les jours de sa vie. Une femme vertueuse apprend chaque jour qu'il y a un soleil qui se lève à chercher le bien de son mari. Si votre mari est en paix, il est dans la joie, il va servir sa maison correctement. Et vous allez bénéficier de na, ça. Mwe mtafaidia ile. La femme mwanamke a été créée aliumbwa. C'est pour la joie de l'homme. Ni juu ya fura ya et mwanaume, pour le bonheur de l'homme. Na juu ya ra ya mwanaume. L'homme n'a pas été créé pour le bonheur de la femme. Mwanaume asikumbwe juu ya ra ya mwanamke hapana. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Wa Korinto wa kwanza 7. Dans son verset mustari yake 34 ya makumi tatu na ine. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Peko vile vile achanisho katikati ya bibi na bikira. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur eko nangaikia bitu ya Mungu afin d'être sainte de corps et d'esprit kusudi apate kuwa takatifu mwili na muro. Et celle qui est mariée na ule asha kuingia mundoa asha kuolewa s'inquiète des choses du monde eko nangaikia bitu ya dunia des moyens de plaire à son mari. Namna ya kufurahisha bwana yake. Manamna ya mingi. De moyens. Oui. Plusieurs voies. Manamna ya mingi. Utiliser plusieurs voies. Kutumikia manjia ya mingi. Voyez. Unaona. Pour plaire à votre mari. Juu ya kufurahisha bwana yake. Je dis cela dans votre intérêt. Niko nasema vile ni juu ya faida yenu. C'est dans l'intérêt ni mufaida du mari ya bwana, dans l'intérêt ni mufaida de la femme ya bibi, dans l'intérêt ni mufaida des enfants ya batoto. Quel est l'intérêt na faida kani? Il faut que le foyer inafadhali jamaa soit en paix ikuye msalama. C'est vrai frère ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur ya kweli dada yangu. L'homme, mwanaume, la femme, mwanamke, comme elle a été créée pour l'homme, savile ariumbwe juu ya mwanaume. Elle doit fournir beaucoup d'efforts. Anapasha kujikaza sana. Pour chercher les voies et les moyens. Ya kutafuta manamna na majia. D'attirer son mari vers elle. Ya yekuvuta bwana kwake. De plaire. Na kufurahisha. De faire la joie de son mari. Na kufanya furaha ya bwana yake. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Dans une famille, mujama, la femme est censée mwanamke anapasha Être et connaître. Kuya na kujua. Les sentiments les plus profonds. Mania ya upana. De son mari. Ya bwana yake. Que n'importe qui sur la terre. Kushindia mutu wote pa dunia. Les sœurs sont avec moi. Badala tu pamoja. Une femme correcte. Mwanamke tu wa kuineana. Une vertueuse. Wa utawa. Elle est censée être. Anapasa kuya. Kuya. Et connaître. Na kujua. Les sentiments les plus profonds. Mania ya upana kabisa. De son mari. Ya bwana yake. Que n'importe qui. Kushindia mutu wote pa dunia. Travailler c'est bien dans les foyers. Kutumika munyumba ni mzuri. C'est une bonne chose pour le pour une kizuri juu ya mwanamke. Mais la soumission. Lakini utifu. Est plus meilleur. Iko ya mzuri kabisa sana. Na ya maafa kabisa. Dans le couple. Mu jama mundoa. Ne soyez pas une femme contredisante. Apana kuya mwanamke wa kutisha. Une femme querelleuse. Mwanamke wa makokotano. Quand le mari parle. Mwakati bwana anasema. Tu as toujours quelque chose à répliquer. Oui, ou pas la kitu kia we kujibu. Des fois quand le mari parle. Mara igile bwana kama anasema. Les insensés, les femmes insensées disent. Mapumbafu wanamuki wanasemaka. Moi, je ne vais pas t'entendre dire ça. Tu vas m'irriter, tu vas m'énerver. C'est un langage de femmes insensées. Ni musemo tu ya banamuki apumbafu. Kusema na bwana yako kusema utanishirikisha. Dire à ton mari que tu vas m'énerver. Ni kiburi. C'est de l'orgueil. Pourquoi ça tu es chima? Na mwanamke mwenye anashirikiaka bwana yake. Et une femme qui s'énerve contre son mari. C'est une femme impolie. Ni mwanamke tu wa kukosa heshima ni ukosefu wa adabu. Elle est mal éduquée. Na madibisho yake kuko mzuri. Elle n'a pas la crainte de Dieu. Na boka ya Mungu ana. Ce n'est pas une bonne femme. Aina mwanamke mzuri. Non bien aimé frère. Bana nduku mpendwa. Mwanamke wa fujo. Une femme de trouble. C'est une malédiction. Il a Anna. Une femme querelleuse. Mwanamke wa makokotano. C'est une malédiction dans les foyers. Il a Anna munyumba. Dans Proverbe 21. Mizali ma kumimbi na moja. Dans le verset 19. Mutare kia kuminatisa. Vaut mieux habiter dans une terre déserte. Iko muzuri kuikala mujangwa. Qu'avec une femme querelleuse et irritable. Pari pa kukana mwanamke wa makokotano na wa kushirikishana. Mwanamke wa fujo. Une femme de trouble. Na wa kushirikishana. Et irritable. Ni mwanamke mubaya sana. C'est une très mauvaise femme. Elle ne peut jamais ramener la paix dans son foyer. Awezi kamwe kuleta salama mundoa. Une femme, mwanamuki, que Dieu a créé pour l'homme, ule Mungu aliumba juu ya mwanaume, pour sa joie, juu ya furaha ya mwanaume, pour sa paix, juu ya salama ya mwanaume, devait amener, anapasha kuleta, la paix dans les foyers, salama mujamaa. C'est vrai frère, ya kweli nduku, les querelles entre couples, makokotano mundoa, entre mari et femme, katikati ya bibi na bwana, amène de mauvais sentiments entre conjoints. Inekalaka na leta mania ya mubaya katikati ya bale bawili. Ça refroidit l'amour entre conjoints. Inekalaka kuna leta baridi mapendo ya bibi na bwana. Ça diminue la confiance entre conjoints. Inekalaka ata mkupunguza tumaini ndani ya bibi na bwana. Ça engendre des soupçons. Inekalaka na zalisha sasa makuwaziana kusingiziana katikati ya bibi na bwana. Une femme irritable. Mwanamke wa kushirikishana. N'est pas un don de Dieu dans un couple. Ana zawadi mundoa. Aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes travailleuses. Leo tukuna wabibi ba minga kutumika. Lorsqu'elle veut servir son mari, wakati atakutumikia bwana wake, elle le fait qu'à son programme, eko nafanya mwile wakati sa kupanga, selon sa volonté, kufuatana na vile anapenda. Mais quand vous regardez dans sa conduite, kama unaangalia tu mwenendo yake namna akitenda, elle est soumise, eko ashikiki, elle s'oppose, elle s'oppose, eko na bishana, toujours aux ordres de son mari, na ile maagizo bwana anampatia. Même là où elle est censée se taire, atapa na napashi kuikala kimya. Quand son chef parle, wakati chef yake unasema, il a tort, hata kama jo yeko na nkosa, la femme doit prendre se taire. Mwanamke anapashi kuyua kuikala kimya. Mais elle élève toujours la voix. Na lakini yeye ni kulamusha paka sauti yulu. C'est faux, frère. Bia bongo nduku. C'est pour ma soeur. Aina ya kweli dada. La douceur. Upole. Et pour être cette femme. Na njua kuwa mwanamke wa hivi. Qui a le charme. Ule eko. Na ile charme. Qui attire. Ule eko na vuta. Qui séduit. Ule eko na songoza. C'est ce caractère qui séduit l'homme. Charme ni ile tabia ile kala vuta. Qui l'attire vers vous. Qui l'attire vers vous. Mwanaume kwako. Et qui crée en lui le sentiment de joie, le sentiment de plaisir d'être à côté de toi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. La paix salama amène le repos inekalaka naleta mapumziko dans le cœur moyo mambo tuko na shangaa ce qui nous étonne kunekalaka ba bwana bengine na bo il y a d'autres mari aussi takuto na bo ni ba démons et aussi ce sont des démons ma shetani tu et fois Dieu lui a donné une bonne femme Mungu anampatia sangi mwanamke tu mzuri mwema mais un homme vraiment insensé. Mais la kini bwana pumbafu. C'est lui-même. Niye mounye sasa. Qui est à la base de détruire l'atmosphère dans la maison. Jo eko na labita ndalili mzuri munyumba. C'est lui par manque de sagesse. Niye kwa kosewa tu kwa hekima yake. Il se querelle comme une femme. Ananza kulamusha tu makutana sa mwanamuke munyumba yake. Il y a d'autres hommes. Hein? Ils ne veulent pas se marier. Ils font des choses dans leur couple, on dirait des fous. Un mari qui se comporte comme un fou. Bwana, ekonejitwala tout ça qui a majimu. On a maltraité Bibi. Tu as de maltraiter ta femme. Bibi, tu insultes ta femme. On applique à Bibi. Tu tapes ça à ta femme. On a zarao Bibi. Tu critiques ta femme. Comme zarao. Méprisé. Il faut quoi, ma Jim? Mais il faut être fou. Qui s'est contemplé Bibi? Et après avoir insulté ta femme, après avoir méprisé ta femme, toi-même, la même personne, la nuit, tu commences à l'approcher, à tourner ici. Mais après avoir contemplé, après avoir l'insulté, tu es insensé. Tu n'es pas intelligent. Mujama, dans un foyer, l'homme ou la femme doit avoir les soucis de la paix dans sa maison. Et pour avoir de tels conjoints, il faut avoir Dieu dans votre cœur. Vous avez Dieu et après tu as la personnalité. Bumuntu, la personnalité, kama buna kukosa, si tu manques la personnalité en toi, tu ne peux pas voir la paix. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Kuko ba, tu vale, abana na rum takatifu. Bumuntu tu, juste la personnalité, buna wafikisha, ça les pousse kuna shiko musalama, à vivre en paix dans leur maison. Juste la personnalité le bon d'abord. Akiri Safi. Bumuntu, c'est le bon sens. La personnalité. Bumuntu. Bumuntu, en français, c'est le bon sens. Le bon sens. Bumuntu. Un homme doit avoir le bon sens. Mutu apashiko na bumuntu. Ni nani katikati yetu hapa? Qui parmi nous? Dans la chair. Mumwili. Anesha konaka jogo. Ajavi un coq. Eko na pika dike yake. Qui commence à tabasser la poule. Jogo tu. Un coq seulement. Eko na ishi na dike. Qui vit avec une poule. Jogo. Le coq. Eko na mpika milomo bibi. Qui tape. Eko na mfukusa. Qui pourchasse la poule. Avez-vous déjà vu ça? Je pose la question à vous les pères. Est-ce que Moussa Konaka Kovile? Avez-vous déjà vu le en train de taper sa femelle? Vous l'avez déjà vu? Moussa Konaka. Parmi Banyama. Katkati des animaux. Avez-vous déjà vu un mâle qui a en train de tabasser la femelle? Vous l'avez déjà vu. Moucha konakako. Kama banyama beko na instinct. Si les animaux balé beko na fikir tout par instinct. Avant la tana akiri. Ils n'ont même pas l'intelligence. Avant wezi kupika nyama mwanamuke. Ils sont incapables de tapasser leur femelle. De tapasser leur femelle. Au contraire. Quoi qu'il y ait. Il est en train de caresser. Ils sont en train de caresser leur femelle. Nama kali weye. Comment tu peux arriver? Commencer à tabasser ta femme, à insulter ta femme, mépriser ta femme. Tu es en dessous même des animaux. Si le bête et les oiseaux et même le poisson et les insectes ils sont incapables de se battre contre leur femelle, contre leur femelle, même leur femelle. C'est pas toi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Tu commences à tabasser ta femme. Tu es un fou seulement. Ça va, nous allons continuer demain. C'est un délai à Kesh. C'est bon pour la prière. Tu chimes à Mendjo Koumba. D'ailleurs, comment bouge besoin le bouc a besoin de la chèvre. Le bouc caresse trop sa chèvre. Tous ces bruits-là que vous écoutez, ce n'est pas pour dire qu'il fait du bruit à la chèvre. Djok Moubembeleza, il est en train de Moubembeleza, il est en train de Moubouta Kwaki. Il est en train de Moubouchako. Mais taper la femelle, non. C'est d'ailleurs les coqs, ils ont beaucoup d'amour. Des hommes insensés, des insensés, insensés. Il abandonne sa femme, la famille, il va manger les biscuits et les beignets, et l'haricot dans des restaurants. Il y a bouchaf. Des restaurants sales d'ailleurs. Il y a ma bâche. Des restaurants à bâche. Nachini ya maembe. Et en dessous des manguiers. Nachini chini ya manyash. En dessous de. Bibi na bwana et bibi na batoto. La femme et les enfants à la maison. Mais lui il part se rassasier. Aona bwana. Tu n'es pas le mari. Même le coq. Regardez le coq. Il est vraiment terrible. Lui il peut voir la poule avec les enfants. Ah, lui il vient, il va un peu secouer là-bas pour chercher et il va piquer là-bas si c'est l'insecte et la femme elle vient là-bas, la poule vient vite et le coq laisse. Vous n'avez jamais vu ça. Donc, vous n'avez jamais vu ça. Non, pas toi, tu tabasses ta femme, tu insultes ta femme. Ton cœur, le cœur de ton mari, de ta femme, brisé. Moi, je viens de pas qu'à Kvundika. Nyumba troublé. Dans la maison, Mouvuruko, Mouzozo. Vous n'êtes pas dans le repos. Jésus vous appelle. Venez à lui, il vous donnera du repos. Prions-nous tous. Tombe Shiboti.